13h30 sur la première. Voici Histoire vivante. Très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. On fait la queue chez les armuriers de Johannesburg. Pistolets et armes automatiques ne sont jamais si bien vendus. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. Il y a des toilettes qui sont réservées aux blancs là-bas, il y a des toilettes qui sont réservées aux noirs. Il fait sale et dégoûtant là-dedans. C'est innommable, vous avez envie de remettre quand vous en sortez. Cette semaine, peuple séparé en Afrique du Sud. La conquête du Transvaal à la libération de Mandela. Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute d'Histoire vivante. Vous le savez sans doute, cette semaine est consacrée à l'Afrique du Sud et l'apartheid. Nous essayons depuis lundi d'évoquer quelques-uns des moments importants de cette histoire dont on aurait tort de croire qu'elle est aujourd'hui fermée. Il y a, à l'heure où je vous parle, une mécanique infiniment plus sourde, infiniment plus feutrée, absolument terrifiante, qui est en marche. Un programme de génocide envisagé en Afrique du Sud avec des complicités de pays comme la France, la Suisse, l'Allemagne. Alors bien sûr, ce n'est ni vous ni moi, en tout cas pour moi je peux témoigner sous serment, mais de tout ça nous aurons l'occasion d'en reparler demain et vous aurez dimanche, notez bien ce rendez-vous, la possibilité de voir un documentaire consacré à un homme, un professeur, le professeur Basson, accusé d'avoir dirigé un programme militaire chimique ayant permis de liquider clandestinement des centaines de résistants à l'apartheid. En avril 1999, à la télévision suisse romande, dans le cadre de l'émission Temps présent, Jean-Philippe Seppi et Bertrand Teubé avaient déjà eu l'occasion d'évoquer cette affaire. Elle est encore aujourd'hui, malheureusement, une histoire vivante. Mais pour le moment, remontons de nouveau le temps et transportons-nous à la fin des années 80. Chapitre 1. Avez-vous déjà dansé le toy toy? Eh bien eux, chaque jour, oui, ils se sont réunis pour chanter et danser le Toy Toy, cette danse dont tous les gestes de la révolte et de la guérilla font l'expression. Chaque jour, de nouveaux corps à porter en terre, chaque jour, un espoir plus ardent, car en face, le gouvernement de Peter Botha, Peter la gâchette comme on le surnomme, a déjà, à plusieurs reprises, lâché prise. De l'état d'urgence en 1986 à 1990, l'insurrection en Afrique du Sud est permanente. Des centaines et des centaines de morts. Chaque enterrement est l'occasion de réentendre les chants, d'entretenir les braises de la révolte, au point que le pouvoir finit par interdire les enterrements au personnel religieux. Mais la marge de manœuvre du régime fond comme neige au soleil. Encore en exil, Oliver Tambo, qui a maintes fois harangué l'opinion internationale, voit bien l'évolution de son pays et l'espoir qui lui est désormais permis d'avoir, mais il évite de s'en réjouir trop. guns and killings. Il gouverne par les armes et le meurtre. That is a sign that the end is coming. C'est le signe que la fin But est proche. Before the end Mais avant que cette fin comes, ne vienne, we expect nous nous attendons rivers of blood à des fleuves de sang. To flow. The streams have started. Des ruisseaux de sang coulent déjà. And it will take the international community. La seule source d'aide possible, c'est la communauté internationale. To restrict the duration. Nous sommes impuissants à limiter la durée du massacre. But I want to repeat. Je veux le répéter. That the slaughter will come and go. Il y aura des massacres puis ils cesseront. South Africa. Et l'Afrique du Sud. Transferred deviendra un pays pour tous les Sud-Africains de toute race et de toute religion. C'est inéluctable. That is inescapable. Gardien du Temple de la Terreur, le mouvement d'extrême droite, la WB, créé depuis quelques années et opposé au régime jugé trop mou de Peter Lagachette. Alors voici quelques secondes passées avec son leader, Eugène Terreblanche. Je vous propose simplement d'entendre d'abord, on fera la traduction après, mais entendre simplement et vous laisser envahir. Si la haine humaine est d'un chromatisme sans fin, cette teinte-là doit certainement faire partie de la palette. En jouw Duitse slaaf van duizenden jaren, onder jouw woeste vreesende vachtgever die komst van het volk. Dus wie, dus die vaders en die wat Kriersdorp gebouwd, dus die wat hem uitgewollet met die vaderse kracht en ze sleet en ze traan en ze tieren hoes, het die Kriersdorp stad gebouw, hier die zwarte, hier die Engelsman. Donc voilà la substantifique moelle du délicieux Eugène Terreblanche, fasciste blanc de profession, mais très certainement sincère, hein, ne l'oublions jamais, ils sont sincères. Alors voilà ce qu'il dit. La face sombre de l'Afrique est marquée par la mort et la furie des vents de la liberté. Elle attend l'avènement d'une patrie, ce sont vos pères et vous-même, ça c'est quand il élève la voix, hein, qui rallonge les syllabes, c'est vous-même qui avez construit Krugersdorp. Vous avez persévéré dans le sang, la sueur et les larmes. Ça, on l'a vu dans le premier épisode. Effectivement, ils ont persévéré dans le sang, la sueur et les larmes. C'est vous qui avez construit Krugersdorp, pas les Noirs, ni les Anglais, ni les Juifs. C'est nous, les Afrikaners. Et puis alors là, vous avez le tonnerre d'applaudissements. Bon. Eugène Terreblanche oublie sans doute de rappeler que bien avant les Afrikaners, alors franchement bien avant, hein, il y avait déjà de la présence humaine à Krugersdorp. Bien sûr, ça n'avait pas l'indélicatesse de porter un nom si guttural. En fait, depuis 1995, un travail archéologique considérable a déjà permis d'exhumer des restes d'hominidés appartenant à deux branches précédant Erectus. C'est Homo habilis et Paranthropus robustus. On serait presque autorisé à penser que de Paranthropus robustus à Eugène Terreblanche, il n'y aurait eu qu'un aller simple et sans correspondance. Au fil du temps, l'apartheid et la figure de Mandela, enfermée depuis 26 ans, ont gagné sur le plan international. Ce n'est plus seulement au Cap ou à Johannesburg qu'on chante sa libération. Au stade de Wembley, archi-plein, le showbiz s'y est mis. Décidément, Anglais et Afrikaners auront poursuivi l'affrontement sous toutes ses formes. Sting y est ce jour-là, à Wembley, pour les 70 ans du prisonnier. Avec les Simple Minds, Eurythmics, Dire Straits, Peter Gabriel, Tracy Chapman. La tournée est intitulée « Le rock contre le racisme ». « Chapitre 2. Changement de ton. Quelques bémols dans la partition. The steps that have been decided are the following. The prohibition of the African National Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party and a number of subsidiary organizations is being rescinded. Encore, encore, on demande à Frédéric de Clercq de reprendre encore. Il répète les mesures adoptées, l'interdiction du Congrès national africain, du Congrès panafricain, du Parti communiste sud-africain et nombre d'organisations annexes a été abrogée. Le gouvernement a par ailleurs décidé la libération de M. Mandela sans condition. Il est temps pour nous de rompre le cercle de la violence et d'avancer vers la paix et la réconciliation. Les mots sont de Frédéric de Clercq qui s'adressait ce matin au Parlement sud-africain. Un discours d'ores et déjà historique. Le président sud-africain a en effet levé l'interdiction qui pesait depuis 30 ans sur le Congrès national africain. Il a également annoncé la libération prochaine de Nelson Mandela. Johannesburg, une correspondance de Pascal Chulet de Radio France. Après 30 ans d'interdiction et d'exil, l'ANC est de nouveau autorisée en Afrique du Sud. La Gazette officielle publiera dès demain l'arrêté présidentiel. Frédéric de Clercq vient donc d'annoncer la légalisation du Congrès national africain, principale organisation noire d'opposition, mais aussi du PAC et surtout du Parti communiste sud-africain. C'est le point fort du discours tant attendu du président, prononcé à l'occasion de l'ouverture du Parlement. Le président a ajouté que le gouvernement avait décidé de libérer Nelson Mandela sans condition et le plus vite possible, mais aucune date précise n'a encore été prise. Les couleurs vert, jaune et noir du drapeau de l'ANC vont certainement rapidement envahir les ghettos noirs du pays. Mais l'opposition n'est pas totalement satisfaite car l'état d'urgence mis en place il y a 3 ans reste en vigueur. En fait, Frédéric de Clercq vient de tendre une main à l'opposition en installant un premier climat de négociation. Reste à savoir quelle sera la réponse de cette opposition muselée depuis 30 ans et qui pose encore un certain nombre de conditions avant de s'asseoir à la table du président. Frédéric de Clercq vient certainement de tourner une page de l'histoire du pays, mais il sait qu'une majorité de Sud-Africains opprimés depuis des dizaines d'années en attend plus de l'homme qui a annoncé qu'il mettrait fin à l'apartheid. La réaction à la suite du discours du nouveau président de l'Afrique du Sud, Frédéric de Clercq, donne effectivement le sentiment que quelque chose a enfin bougé. Pas assez, clament certains, mais enfin, le colosse immobile depuis tant et tant a bougé. C'est pour ça qu'il faut s'encourager, hein, et jamais lâcher prise. Du côté des optimistes, pour un type comme Desmond Tutu, l'annonce de la libération de Mandela, même s'il n'y a pas l'horaire avec, lui, il est déjà aux anges. Incroyable, merveilleux, l'histoire est en marche, bah oui. Mais l'archevêque, dans sa béatitude, oublie juste de noter qu'elle l'est toujours, l'histoire, en marche, inexorablement. Alors il est tellement, lui, dans sa jubilation, qu'il s'en mélange un petit peu les crayons, et du coup, il ne sait plus les noms. And so, We are interested in freedom. Voilà, on est intéressé par la liberté, Mr. F.U.W. De Clercq, Monsieur De Clercq. À ce que c'est que l'enthousiasme. Mais ne gâtons pas par de vaines moqueries un jour de joie, d'abord ça ne se fait pas. Jetons donc une oreille aux propos du porte-parole de l'ANC en France, Sally Smith, recueilli par Viviane Épinay. We received the news of the impending release of Nelson Mandela. C'est avec une immense jubilation que nous avons appris l'annonce de la toute prochaine libération de Nelson Mandela. Nous sommes heureux de voir que notre lutte a enfin abouti. On ne peut pas dire que cela a été une réelle surprise, car 7 leaders du Congrès national sud-africain avaient déjà été libérés en 1989. De plus, nous savions que Mandela devait être libéré à un moment ou à un autre. Mais la confirmation officielle de sa libération prochaine a été reçue par nous avec un grand bonheur. Les représentants de l'ANC, le Congrès national sud-africain, vont maintenant s'asseoir autour d'une table et enfin discuter de la manière d'envisager l'avenir. On va aussi réactiver notre mouvement. Vous savez, cela fait très longtemps qu'on n'a pas pu se réunir, obligés qu'on était de travailler dans la clandestinité. Et nous exercions toutes nos activités dans l'illégalité la plus totale. Désormais, ce que nous souhaitons, c'est de voir naître une Afrique du Sud unifiée démocratique et non raciste. Ben oui, c'est effectivement tout le mal qu'on peut souhaiter au pays. On sent quand même la méfiance extrême avec laquelle cette opposition considère toutes ces mesures. Le monde se divise bien en deux, il y a toujours d'un côté les emballés et de l'autre les suspicieux. Non mais il y en a d'autres aussi. À ce journal de la radio romande en date du 2 février 1990, l'autre réaction, c'est celle d'un des responsables du Conseil sud-africain des églises, le pasteur suisse Jean-François Bill, arrêté en 86 par les autorités africaines, il a été relâché 9 mois plus tard. Il a donc eu le temps de se faire une idée de la tambouille servie dans les geôles, et lui, il crache pas sur les propos de De Klerk. Le son est recueilli par Raphaël Aubert. Ce qu'il a osé faire et déclarer aujourd'hui montre un certain courage. C'est tout à fait un tournant parce que les conditions qui avaient été posées afin de commencer le dialogue, et il faut bien dire c'est commencer les négociations, le problème n'est pas résolu. C'est de complètement détruire le système apartheid. Afin d'y arriver, il fallait créer un climat de négociation où non pas les blancs seuls, mais tous ensemble, on pouvait dialoguer et négocier un avenir sans apartheid. Et je crois que pour la plupart des conditions qui avaient été posées pour créer ce climat et débuter ces négociations, M. De Klerk a répondu très positivement. Est-ce que vous avez le sentiment que maintenant, par exemple, la violence va baisser en Afrique du Sud, dans les ghettos? Je pense que la violence dans les ghettos, comme qu'il en soit, avait déjà baissé. Mais ça ne veut pas dire que nous n'aurons plus de violence. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens de l'extrême droite qui vont réagir. Et je pense qu'il y aura quand même encore des conflits. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce pas qu'a pris M. De Klerk vont tout faire pour essayer de détruire ce qu'il a créé. Pour moi, ce qui est aussi signifiant, c'est que les gens étaient en train de danser dans la rue. Moi, j'étais dans une séance avec un avocat et j'entendais tout ce bruit dans la rue. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Puis en sortant, je vois les journaux qui annonçaient justement ce qu'il venait de déclarer au Parlement. Et les gens étaient mais fous de joie. Il y en a qui chantaient même « Viva, viva le camarade De Klerk », comme s'ils adoptaient De Klerk comme étant un des leurs maintenant. Bon, alors, le camarade De Klerk est avec nous. Ça pourrait bien siffler sur l'air de l'international, ça. Enfin bref, la date n'est pas encore précise, mais on sent que ça va pas traîner, et d'ailleurs, ça ne va pas traîner. Vous me direz, au bout de 26 ans, traîner encore, c'eût été pitoyable. Je vous propose une petite pause, histoire de bien prendre notre respiration avant le grand saut. On oserait presque dire le grand bond en avant, mais l'expression a déjà été utilisée. Dans quelques instants, retour sur la libération d'Assi Bonanga. Encore un boycott. Cette fois, c'est contre Sun City, une espèce de Saint-Trope sud-africain qui faisait plein de promos pour appâter le touriste. Artist Against Apartheid dans Sun City. Chapitre 3. 28 ans plus tard, le même, en franchement plus vieux, mais toujours le même. Nous sommes le 11 février 1990. Je vous propose de vous installer le plus confortablement possible et de réécouter tout ça. C'est quand même pas tous les jours gras. Pour une fois qu'il y avait de la bonne nouvelle dans le poste, ça vaut le coup de se la repasser un petit coup. Mr. Mandela, leaving. Il était donc 15h10 heure suisse lorsque le plus célèbre prisonnier politique du monde, Nelson Mandela, a retrouvé la liberté après 27 ans d'emprisonnement. Le chef historique du Congrès national africain était d'abord d'une voiture pavoisée aux couleurs de l'ANC et cette voiture faisait elle-même partie d'une colonne d'autres voitures qui se sont dirigées vers les barrières de la prison gardées par des policiers. Mandela est alors descendu de voiture pour faire ses premiers pas d'homme libre en tenant sa femme par la main. D'une démarche parfois hésitante, le symbole de la lutte anti-apartheid, vêtu d'un costume cravate sombre, s'est avancé point tendu vers la foule de ses partisans. Sur place, Pascal Chollet. Nelson Mandela est sorti à 16h10 exactement. Ensuite, il est parti très rapidement en voiture. C'était merveilleux entre la prison de Victor Verster qui est à 75 km du Cap et la ville du Cap. Les gens étaient au bord de la route. Des métis, des noirs, des blancs, tout le monde était au bord de la route avec des drapeaux de l'ANC. Les voitures s'arrêtaient pour crier « Viva Mandela !» Mais écoutez plutôt cette joie et cette ferveur tout au long de la route entre la prison et le Cap. Là où tout a failli mal tourner, c'est à l'arrivée du Cap, où les gens étaient, 40 000 personnes à peu près, attendaient dans le centre du Cap, et Nelson Mandela n'a jamais pu se frayer un chemin jusqu'au balcon de la mairie, d'où il devait adresser son premier meeting public après ses 27 ans de prison. Là, ça a failli très mal tourner parce que la foule a vraiment entouré la voiture de Nelson Mandela. J'étais dans la voiture juste derrière avec un de ses comrades, et il a plusieurs fois jeté des regards complètement affolés. Les vitres de la voiture étaient fermées, sans air conditionné. Cet homme a quand même 71 ans et ça fait vraiment très très mal tourner. Amanda ! Amanda ! Et Africa ! Aïmo ! Mes amis, camarades, concitoyens sud-africains, je vous salue tous au nom de la liberté et de la paix, de la démocratie, de la liberté pour tous. Je suis devant vous. Non comme un prophète, mais comme l'humble serviteur du peuple. J'ai combattu contre la domination blanche. Et j'ai combattu contre la domination noire. J'ai rêvé de l'idéal d'une Afrique libre et démocratique où chacun vivrait en harmonie avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel je veux vivre et que je veux réaliser. Mais s'il le faut, c'est aussi un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Mot pour mot, Mandela redit le même discours que celui prononcé 28 ans auparavant, avant d'être enfermé. C'est vraiment ce qu'on appelle avoir de la suite dans les idées. Et c'est aussi ce qu'on appelle un symbole. Nelson Mandela a parlé d'un ton très calme, très posé. Ce n'est pas un leader comme à la Boussac ou à la Desmond Tutu qui fait des gestes, qui fait rire. La foule avait l'air impressionnée. Elle a même parfois sifflé, certainement lorsque Nelson Mandela a par exemple loué un petit peu le rôle de Frédéric de Klerk, le président sud-africain, dans sa libération. Alors, ce qu'il a dit d'important, c'est que tant que l'état d'urgence n'est pas levé en Afrique du Sud et tant que les prisonniers politiques sont toujours emprisonnés, eh bien, il faudra toujours continuer la lutte. L'image du week-end, celle d'un homme de 71 ans donnant la main à sa femme, l'homme à la démarche un peu titubante, hésitante en tout cas. Nelson Mandela, le plus ancien et le plus célèbre prisonnier politique du monde, a été libéré hier après avoir passé 27 ans derrière les barreaux. L'Afrique du Sud ne sera plus tout à fait pareil, même si la route est encore longue jusqu'à l'abolition totale du régime de l'apartheid. C'est en tout cas ce que tient à rappeler Charles Bille, président du mouvement anti-apartheid suisse. Charles Bille qui a la double nationalité suisse et sud-africaine et qui se qualifie lui-même de sud-africain en exil. Je m'inquiète un petit peu de l'opinion publique qui va malheureusement aujourd'hui dire voilà, c'est la fin de l'apartheid, tout est réglé. Je ne peux pas souligner assez ce qui reste à faire. Et c'est encore beaucoup et nous avons besoin de toutes les forces. Les forces que nous avons déjà ne sont pas illimitées. Nous avons vraiment besoin de l'appui, non seulement de l'opinion publique, mais aussi l'appui des autorités helvétiques et pourquoi pas des banquiers. Et quand je dis ça, je veux dire que les banquiers ne doivent pas aujourd'hui commencer à dire, les banquiers et d'autres, il faut enlever les sanctions, il faut maintenant lever les sanctions. Je crois que c'est le moment, ou jamais, de mettre un dernier petit coup de pression sur ce régime. En 1990, Charles Bille sait de quoi il parle, mais il ne peut pas tout dire. L'Afrique du Sud va connaître bientôt de terribles affrontements entre les minorités, puis viendra le temps de l'apaisement, la nécessité de refonder une société extrêmement fracturée et l'ouverture pour cela de la Commission Vérité et Réconciliation. Au cours des séances, victimes et bourreaux vont tour à tour défiler, dévoilant les plans secrets du régime d'apartheid afin d'éliminer toute opposition. C'est là que le voile va se lever sur le docteur Wouter Basson. Rendez-vous demain avec la suite de cette évocation. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.